Off the Map, Tribulation de deux vagabonds anarchistes. Chapitre 1, Comme des sortilèges. Ce qu'il y a de bien avec les voyages en avion, c'est que ça permet de s'extraire plus facilement du temps. On s'envole et on s'en débarrasse. Quand on atterrit, le corps et la montre sont complètement désynchronisés, et si on arrive dans une ville dont on ne sait rien, dans un pays qui n'est pas le sien, avec nulle part où dormir et quasiment pas d'argent, ben, il n'y a vraiment pas de raison de se réconcilier avec la montre. La montre devient hors sujet. Et le temps neptunien, les heures de sommeil et de rêve éveillés non chronométrables, prend le pouvoir. Notre premier matin en Europe, Ibikina et moi, nous nous sommes réveillés dans un carré d'ortie après avoir réussi à nous débarrasser de la montre. Du fait de nos billets bon marché, nous avions passé un long moment dans l'enfer des aéroports. Une fois que nous avons atterri aux Pays-Bas, nous avons passé un autre long moment à faire des trajets sans fin en tram dans ce qui semblait être la direction d'Amsterdam. Nous misions sur le fait d'y trouver un squat, où nous pourrions nous reposer et prendre nos marques. Au lieu de ça, nous avons passé la journée à remonter à contre-courant, comme des saumons, les flots de touristes qui inondaient le centre-ville, en suivant les graffitis et en guettant avec espoir les fenêtres condamnées, sans succès. Alors que le soir approchait, nous avons utilisé le peu de force qui nous restait pour faire un spectacle de danse pyrotechnique un peu poussif. Deux Romaines, ivres et beaucoup moins fatiguées que nous, nous ont couvertes d'éloges dithyrambiques. C'était génial ce feu! Où avions-nous appris? D'où venions-nous? L'idée d'être associés aux hordes de touristes américains, le guide de voyage à la main n'étant pas très plaisante, nous avons pris de forts accents et leur avons dit que nous étions des éleveuses de moutons estoniennes. Elles étaient stupéfaites que nous parlions si bien l'anglais. Tout comme nous, vu le temps écoulé depuis la dernière fois que nous avions dormi. Elles nous ont donné leur dernier florin, puis Ibikina et moi avons laissé tomber nos corps de bergères fatiguées dans un parc aux abords de la ville. Nous nous sommes réveillés au son des hordes d'hommes d'affaires à vélo pédalant vers le monde du travail. Ils ignoraient complètement la présence des deux femmes ensommeillées qui les guettaient derrière un écran d'ortie et de sapin. Après les avoir espionnées pendant un moment, enviant leur vélo mais pas leur destination, Ibikina et moi avons pris le tram pour retourner au centre-ville et poursuivre notre quête d'un squat. Mais nous avions aussi un nouveau besoin plus pressant, du café. Ferrotucrotu est apparu avant le café. Las, nous déambulions dans des rues inconnues quand j'ai remarqué une grosse araignée noire gonflable suspendue à une fenêtre poussiéreuse. Elle se balançait paresseusement à côté d'une jambe de mannequin cassée, d'un rétroviseur et d'un drapeau de pirate. Au rez-de-chaussée, la moindre parcelle du contreplaqué qui condamnait le bâtiment était couverte d'une épaisse couche d'affiches de réunions de squatteurs. J'ai jeté un coup d'œil à la porte. Elle était peinte dans un rouge anarchiste. Rouge passion, me suis-je dit. Ou bien comme un tapis rouge. Quoi qu'il en soit, c'était un indice dans la chasse au trésor qu'était notre vie. J'ai frappé. Rien ne s'est passé pendant un long moment. Puis j'ai essayé la sonnette. Et une femme au crâne rasé a fini par ouvrir la porte, se tenant, pâle et ensommeillée, dans les recoins sombres de l'entrée. On devinait un gros chien noir derrière elle. Oui, nous pouvions rester une nuit ou deux. On pourrait même avoir notre propre chambre. Elle nous fit signe de la suivre dans les escaliers. Les escaliers en colimaçon étaient sombres, avec d'étroites petites marches en bois. Le peu de lumière qu'il y avait a disparu quand la porte s'est refermée derrière nous et nous avons suivi la femme en montant dans l'obscurité et les grincements. Le chien nous a dépassés, en trottant pesamment, puis a disparu derrière une lourde tenture de velours en haut des escaliers. « C'est Gwar !» elle a dit, en écartant le rideau. Immédiatement, une lumière vaporeuse est réapparue, relevant la nature de la tenture, un vieux rideau de théâtre bordeaux. Gwar s'était déjà installé au milieu du salon, l'air bien heureux, interrompant régulièrement sa quiétude pour se gratter vigoureusement l'arrière-train. Il y avait d'autres tracts de squat sur le mur du salon et plein de posters de résistance, reconnaissables à leurs symboles, mais écrits dans un néerlandais indéchiffrable. Des raies de lumière laiteuse entraient par la même fenêtre que nous avions vue depuis la rue et venaient réchauffer un jeune chat galeux au pelage écaille de tortue qui ronronnait avec satisfaction. Une fausse toile d'araignée était suspendue au-dessus de plantes en bonne santé, qui poussaient de concert avec une vigne vierge en fleurs de l'autre côté de la vitre. « Moi, c'est Annette, » a dit la femme, clignant des yeux à travers ses cils embués de sommeil, en ajoutant inutilement « Je viens de me réveiller. » Nous nous sommes présentés et nous nous sommes excusés de l'avoir réveillée, mais elle a simplement haussé les épaules. « Horaire de squatter, temps neptunien, vous inquiétez pas. »« Fallait bien que je me lève, de toute façon, » elle a ajouté en bâillant, tout en regardant Gouard enfoncer ses dents dans le poil dur de son arrière-train. On l'a regardée en silence pendant un moment. Puis, Ibikina s'est assise dans un vieux rocking chair imposant. Je me suis assise sur un tabouret peint à la bombe argentée, et Minky, le chat galeux, s'est hissé sur les genoux de Ibikina pendant que Gouard s'approchait furtivement de moi pour poser son menton sur mon genou. Une atmosphère douce et apaisante s'est installée dans la pièce. Ibikina et moi avions quitté notre maison, convaincus que les portes s'ouvriraient devant nous. Mais nous n'imaginions pas que ce qui se cachait derrière semblerait aussi familier. « Vous voulez du café ?» a demandé Annette, visiblement ravie par sa propre suggestion. Son visage fripé par les draps semblait se lisser à cette simple pensée. Nous avons dit oui en cœur, tout en échangeant des regards qui se disaient « Décidément, on est bien tombé au bon endroit. » « Alors, vous êtes en voyage ?» a avancé Annette tout en lançant le café. « Ouais. » Ibikina et moi nous sommes regardés. « Comment expliquer ?»« En quelque sorte. » On a raconté à tour de rôle. Nous étions arrivés en avion à Amsterdam hier, avec un aller simple et des rêves en poche. Mais c'était plus qu'un simple voyage d'été. On était toutes les deux en route pour les vies qu'on avait rêvées. Ibikina allait déménager à Prague à l'automne. J'allais l'accompagner et y rester quelques mois avant de m'installer à Barcelone. On allait prendre notre temps pour atteindre l'Europe de l'Est en faisant une escale à Barcelone, passer un mois sur la route ensemble. On n'avait pas vraiment planifié tout ça et, à vrai dire, on n'avait même pas de carte. Le but, c'était de nous prouver qu'il était possible de réaliser nos rêves à notre façon, sans utiliser des cartes d'autres gens, ni argent, ni montres. Ou au moins utiliser ces choses-là le moins possible, en les remodelant pour qu'elles soient moins comme des équations, mais plus comme des sortilèges. Des sorcières, nous nous sommes chuchotés gaiement, regardant autour de nous, tandis qu'Annette était dans sa chambre, en train d'enfiler ses barésies et de lasser ses rangers. Des sorcières qui vivent comme elles l'entendent. Quand elle est revenue, Ibikina a interrogé Annette à propos du squat, et elle a dit que c'était un squat non mixte, sauf pour Gouard, qui l'a regardé avec amour quand elle a dit son nom. En français, Ferrotu Crotu signifie quelque chose comme la ruine. Impossible à traduire précisément, mais prononcé avec affection dans les deux langues. Ça fait 2 ans que le lieu était squatté. Annette aperçut l'air surpris qui a traversé nos visages. 2 ans, c'est pas si inhabituel par ici. Certains squats se font fermer immédiatement ou après 2 mois, mais certains durent longtemps. Mais ça empire tout le temps, comme partout, j'imagine. Plus de flics, plus de descentes. Vous avez vu les appels à réunion en bas ? On a hoché la tête. Bon, on est assez bien organisé. Une fois par mois, entre 30 et 40 personnes se rencontrent pour aller squatter un nouveau lieu. On est assez bien rodé maintenant. On a les outils pour forcer les portes et changer les verrous, et on choisit toujours les bâtiments au préalable. En général, on se retrouve dans un parc et on attend d'être assez nombreux pour ne pas être embêté par les flics. Quand notre groupe est assez grand, ça se passe assez bien. Vous connaissez les réglementations sur les squats ici ? Non, on les connaissait pas. Eh ben, selon la loi néerlandaise, si un bâtiment est vide depuis 1 an et que les gens le squattent, à partir du moment où il y a un lit, une table, une chaise, le squat est légal et les squatteurs ont des droits. Bien sûr, défoncer la porte, ça, c'est pas légal. Et s'ils arrivent à t'empêcher d'entrer, t'as aucun droit. Mais on est doué pour entrer et on amène les meubles direct. Donc dès qu'on est dedans, on y est pour de bon. T'as plus qu'à aller à la mairie et te déclarer. Une fois qu'un squat est légal, le propriétaire du bâtiment doit se lancer dans des procès et prouver qu'il a des plans pour le bâtiment avant de pouvoir expulser les squatteurs. Mais même ça, ça prend du temps. Quelques mois, parfois. Parce que d'abord, on doit te remettre un avis d'expulsion. Puis bon, tu vois quoi, le système. Annette a souri, ce sourire en coin irrésistible des gens versés dans l'art de se faufiler dans les portes dérobées du capitalisme pour y faire quelques petits ajustements. Une autre femme est apparue sur le palier, derrière le rideau de théâtre en velours, et nous a observés d'un regard interrogateur. Elle portait une mini-jupe, plusieurs paires de chaussettes et des chaussures d'acrobate noires. Et elle s'est présentée tandis qu'Annette partait. Ça faisait un an et demi qu'elle vivait à Ferroutou-Crotu, elle nous a dit. Et ça faisait plus de 10 ans qu'elle squattait régulièrement. Sa plus longue résidence avait été un squat légal à Rotterdam, où les squatteurs se battaient en permanence pour garder leur espace de jardinage illégal. Le jardin se situait sur une parcelle inutilisée, et au bout d'un moment, la loi avait gagné, et le jardin s'était fait recouvrir de pavés. Après avoir vu les rangées de carottes soigneusement entretenues, les tomates en treillis et les tournesols d'eau de linant se faire noyer dans l'asphalte, Lucie est partie. « J'en avais marre de tout le temps me battre avec la police », elle nous a dit. « J'étais pas assez forte pour continuer à le faire. J'avais besoin d'un peu de temps pour moi. » Mais à la fin de la soirée, j'étais à peu près sûre que Lucie était assez forte pour faire n'importe quoi. Elle a proposé de nous montrer les bons coins pour les spectacles de danse pyrotechnique, et une fois que le crépuscule s'est installé, nous sommes sortis toutes les trois nous promener dans les rues étroites. C'était moins bondé qu'en journée, et sans l'afflux oppressant des touristes, j'avais le temps de remarquer les pavés et les pots de fleurs, les perrons avec leurs petits pots d'herbe et leurs petits arbustes. Des volets encadraient la plupart des fenêtres, et les arêtes des bâtiments de briques s'incurvaient dans une douceur que je n'avais pas l'habitude de voir aux États-Unis. Tout était en fleurs, et même sous les ponts, la lumière reflétée dessinait des fleurs bleues et blanches vacillantes dans les eaux sombres du canal. Après Venise, Amsterdam est la ville où il y a le plus de canaux en Europe. Et c'est en marchant le long des rangées de péniches, doux villages flottants aux toits recouverts de jardins n'ayant rien d'autre à faire que de se balancer sous les bandes de ciel étoilé, que les pouvoirs ensorcelants bien connus de cette ville nous sont devenus compréhensibles. C'est facile d'ensorceler quand on vit comme on l'entend, loin des rues de la ville les plus fréquentées, glissant doucement le long des voies plus sinueuses. En contrebas, j'entendais le long chuchotement d'une rame fendant les eaux nocturnes. Lucie marchait devant nous d'un pas souple, le dos solide et les épaules droites. Le simple fait de la regarder faisait du bien. Ses chaussures d'acrobate n'étaient pas pour la frime. Elle faisait des performances avec d'autres personnes et participait à une école libre de cirque. Elle avait l'air d'une guerrière ouvrant la voie, son bâton de feu tel une lance dans sa main, son corps brisant le mythe et limite d'âge. « On dit que le corps est à son apogée à 25 ans », elle m'avait dit plus tôt, « qu'après ça, il s'affaiblit. Mais en acrobatie, je m'améliore en permanence, et je suis plus forte maintenant à 36 ans que je ne l'étais à 25. J'ai même pas commencé à apprendre avant mes 24 ans. Je crois que j'aimerais bien apprendre des trucs sur le mouvement », je lui ai confessé. « Continue à danser », elle m'a répondu. Plus tard, nous avons toutes dansé avec le feu sur un pont bondé, pendant qu'un musicien de rue jouait du limbo à la guitare, mon cœur battant au même rythme que les nœuds de chaleur qui filaient près de mes oreilles. Mon regard s'est posé sur Ibikina, qui ondulait comme un serpent dans la lumière orange, puis s'est porté sur les bras puissants de Lucie, qui faisait tournoyer sa lance enflammée, et de nouveau j'ai pensé « Des sorcières !» Même après l'arrivée de la police et la dispersion de notre performance, alors que nous marchions avec nos chaînes encore tièdes autour des poignets, je pouvais sentir cette puissance se raviver en moi. Moins comme des équations, plus comme des sortilèges.